un instrument qui exalte le roi de l'éternité. C'est là et les désirs qui, nuit et jour, m'animent. Ô Seigneur, mes prosternés devant ta face, pour t'adorer, voilà ma raison de vivre, ma raison d'exister. Oui, je veux demeurer chez toi, mon Seigneur. Partout nous venons, Seigneur, pour célébrer. Ô roi des cieux, nous voulons répandre ainsi nos cœurs devant toi, comme un parfum de bonne odeur qui s'exhale et qui monte, monte jusqu'à ton trône. Comme un seul homme d'une seule bouche et d'un cœur pur, nous voici réunis pour t'adorer. Toi, l'unique et véritable roi, puissant sanctifié, rempli de joie, nous élevons la grandeur de ton nom, toi qui vis et règne à jamais. Notre bonheur est d'être toujours devant ta face pour te magnifier, Jésus-Christ. Por la libertad.